Bon matin. Est-ce que vous m'entendez bien sur le Zoom? D'accord. On est dans Ésaïe 59. On est dans une suite, une série, puis on a vu toutes les misères d'Israël du temps de Ésaïe, son époque, le roi Ézéchias, ceux qui vont le suivre, particulièrement du temps d'Ésaïe, avec des retours sur le temps avant Ésaïe, avant Ézéchias, puis sur aussi une vue de ce qui va arriver à Israël. Hein. On a vu tout ce qui va lui arriver dans le futur, jusqu'à dans l'éternité. Puis après ça, on a comme à partir du chapitre 46 à peu près, là, on a commencé à regarder plus au plan que Dieu a pour l'humanité. On a commencé à regarder ce que Dieu fait pour Israël, ce que Dieu propose aussi, non seulement pour Israël, mais pour les nations, pour l'individu comme pour le peuple d'Israël comme pour l'Église. Puis en même temps, ben, ça s'applique à chacun de nous. Fait qu'on est rendu à Ésaïe 59. Puis ici, comment dirais-je, dans ma réflexion, j'essayais de voir c'est quoi la synthèse de la chose. En fait, je l'ai résumé par c'est le plan du salut, carrément, Ésaïe 59. Et bon, on va regarder ce que le Seigneur a fait, ce qu'il dit à Israël comme peuple. Mais en fait, Israël, c'est un peuple choisi qui connaît Dieu, qui connaît la loi. Il n'est pas en train de parler à des étrangers, il est en train de parler à un peuple qu'il connaît. Si on le transpose à nous aujourd'hui, ben, il nous parle aussi. Est-ce que l'Église est à la hauteur, plus à la hauteur de ce que Dieu demande que le peuple d'Israël l'était? Il faut se poser la question. Si on regarde l'Église dans son ensemble, si on regarde son histoire, si on regarde où est-ce qu'elle est aujourd'hui, si on regarde ce que l'Église endosse aujourd'hui dans le monde, tu sais, ne vous conformez pas au siècle présent, est-ce que vraiment on se distingue là? Du siècle présent dans nos églises de façon générale? C'est une question qu'on peut se poser dans ma vie personnelle. Mais en même temps, je le regarderais aussi comme un exemple, parce qu'il y en a qui se disent, ben, moi je ne connais pas vraiment les Écritures, puis je ne sais pas trop comment l'expliquer aux autres. Ben, c'est intéressant parce qu'on peut se promener n'importe où dans les Écritures puis voir le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a voulu? Qu'est-ce que Dieu a fait? Ce que nous, on en a fait? Mais de toute façon, Dieu, il sait qu'on n'est pas capable de faire ce qu'il demande. Fait qu'il a pourvu au salut. OK? Fait que je peux le raconter avec le peuple d'Israël. Je peux le raconter dans ma vie personnelle aussi. C'est vrai? Donc, on va la regarder historiquement, là. Je veux dire textuellement. Puis on va regarder ce qu'il dit au peuple d'Israël. Mais on va se l'appliquer à nous en tant qu'Église, puis on peut se l'appliquer à nous personnellement. Fait que là, les exemples personnels, c'est chacun pour soi de voir où est-ce que ça m'interpelle. Alors, la question, quand on regarde le texte, toujours la même question que je vous pose. Je ne suis pas très créatif. Hein. C'était Danny qui était créatif. Es-tu paisible dans ces temps où nous vivons? Et si c'est non, ben écoute ce que Dieu dit. Puis le texte, je le résumerai en ceci. Confie-toi en Dieu, il agira. C'est sa promesse. C'est pas toi. En fait, ce que Dieu nous demande, c'est d'être soumis à sa volonté. Mais même David, qui avait un cœur selon Dieu, même David n'était pas parfait, là. On peut commencer, on fait si on décortique la personne de David vraiment dans son histoire, je l'avais déjà fait avec les jeunes à l'école du dimanche dans le passé, dans l'autre siècle. Je l'avais fait avec les jeunes et c'est vraiment intéressant de regarder David parce que oui, il aime Dieu, oui, il connaît les Écritures, mais non, il ne vit pas les Écritures parfaitement. Non, il n'est pas parfait. Puis il prend le contrôle souvent. Mais il aime Dieu, puis c'est ça que Dieu aime. Alors, Dieu nous aime, mais ce qu'il reproche à Israël, c'est qu'Israël ne l'aime pas comme il voudrait qu'il l'aime. Puis ce qu'il pourrait reprocher à l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église ne l'aime pas comme Dieu voudrait que l'Église l'aime. Est-ce que vous me suivez? Alors, il y a cinq points, je vais dire ça comme ça, là. Christian, il va me parler après. J'ai pas trouvé cinq quoi exactement, là, mais il y a comme, c'est pas des étapes, c'est comme des angles, c'est comme, le texte nous parle de cinq manières de qui on est, qui est Dieu. Alors, le péché, ce qu'on voit en début, c'est que le péché garde Dieu éloigné de l'homme. C'est pas Dieu qui est loin de nous. C'est le péché qui fait qu'il ne peut pas s'approcher de nous. C'est pas qu'il ne veut pas s'approcher de nous. C'est que le péché fait qu'il ne peut pas s'approcher de nous. Le pécheur est malheureux loin de Dieu. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne savent pas. Ils sont malheureux, il y en a qui savent qu'ils sont malheureux, il y en a qui ne savent pas qu'ils sont malheureux. Le pécheur repentant reconnaît ses fautes. Est-ce qu'il est capable d'en sortir tout seul? Non, pas vraiment. Mais ce que Dieu veut, c'est seulement le cœur. L'Éternel voit les pécheurs, puis il entend le cri des justes. Ouais, les justes, là, juste pour qu'on soit à la même place, le juste, c'est celui qui a cru Dieu. Mais il est de la même nature que le pécheur, en partant, mais en croyant, en mettant une confiance en Dieu, devient juste. Et Dieu ne le voit plus de la même manière. Il ne voit plus le péché. L'Éternel, cinquième point, l'Éternel a pourvu au salut de ceux qui se tournent vers lui. Parce que sans l'Éternel, même avec un cœur repentant, je ne peux pas changer ma condition. C'est lui qui change ma condition. C'est ça qu'on va regarder. Ça vous va? Alors, le premier verset. Okay, ici, je vais prendre une petite pause, là, puis je vais vous lire le texte. On va le lire une fois en continu, puis après, je vais repasser à travers, parce que malheureusement, ou heureusement, je vais changer l'ordre des versets à certains endroits parce que c'est plus clair qu'on change l'ordre des versets. C'est ceux qui aiment la langue française compliquée, là, ben, vous comprendrez que moi, quand je lis la langue française compliquée, je reprends les blocs d'idées, je les regroupe pour comprendre ce qui est dit là-dedans parce qu'il y a trop de stock pour mon petit cerveau. Fait que, donc, je fais ça ici aussi, je regroupe les versets pour pouvoir voir l'idée. OK, donc je le lis. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. C'est pas lui le problème. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang, vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Bon, pour ceux qui n'ont pas la même version, là, je lis dans la Louis II. Okay. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés et quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. S'il y a quelqu'un qui voulait m'expliquer, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vient de gronder comme un ours dans la salle. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là, le salut, et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres. La fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis, il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Et quand on commence le chapitre 60, ce que Christian a lu, ben, ce salut-là est encore annoncé. En fait, c'est intéressant. On le voit partout dans les Écritures, mais dans Ésaïe, c'est particulièrement évident. C'est qu'on repense toujours avec le même message. Le Seigneur ne se tanne pas de répéter, de répéter, de répéter. Il est très patient parce qu'il nous aime. Puis il sait qu'on ne comprend pas. Fait qu'il répète, il répète, il répète, jusqu'à temps qu'on dise bah, « j'ai-tu de la misère? » Alors, non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et c'est vrai. Si vous regardez tout ce qu'on a vu dans Ésaïe, de ce qui est arrivé à Israël, de ce qui va arriver à l'humanité, si on regarde dans notre texte aussi, là, il est sévère. Mais en même temps, dans le psaume 116, hein, on peut lire, là, il entend ma voix. J'aime l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il entend ma voix, mes supplications. Parce qu'il les entend, puis il répond. Car il a penché son oreille vers moi. Hein? Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Il la penche, l'oreille. Ce n'est pas lui le problème. C'est nous autres. Alors, c'est le péché qui garde Dieu éloigné de nous. Parce qu'il dit ici au verset 2, mais il va aussi aller au verset 14 et 15. Okay? Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bon, quand Jésus est allé dans le désert 40 jours, là, il n'a pas péché là, pendant 40 jours. Là. Il n'a pas péché avant, il n'a pas péché après. Pendant 40 jours, c'est le silence. OK? Mais c'est parce que c'est un moment de recueillement. Il y a des moments dans la vie où c'est le silence. Mais je peux me poser la question, parce que Dieu, il s'en vient quelque chose? C'est-tu parce que j'ai besoin d'apprendre quelque chose? C'est-tu parce que j'ai fait quelque chose? Je peux poser la question, mais la réponse va venir. Est-ce que tu es à l'écoute de la réponse? C'est ça que Dieu veut. Es-tu à l'écoute de la réponse? Et là, il dit au verset 14, à cause de ça, à cause de vos crimes, de vos péchés, là, il parle d'Israël, mais il nous parle à cause de nous. Si on n'a pas Jésus, il ne peut pas s'approcher. Il dit, la délivrance s'est retirée, le salut se tient éloigné. Le salut, il est là, il est disponible, mais il se tient éloigné. Le salut est là pour tous les hommes. Même ceux que j'ai la misère à m'imaginer qu'il y a une chance pour eux autres. Ça vous arrive à vous des fois de juger. On n'a pas le droit de juger. Hein? Jésus n'est pas venu juger. Il est venu sauver. Mais des fois, qu'on a de la misère. Bon, la délivrance s'est retirée. Le salut se tient éloigné. Pourquoi? Parce que la vérité trébuche sur la place publique. On ne la connaît pas ou on ne l'applique pas. Et la droiture ne peut approcher. Parce qu'on ne prend pas la parole de Dieu au sérieux, parce qu'on joue avec la parole de Dieu, ben la justice ou la droiture n'est pas là. Parce que c'est la parole de Dieu qui est tranchante. Rien d'autre que la parole de Dieu. Ce n'est pas les concepts humains, c'est vraiment la parole de Dieu. La vérité a disparu parce qu'eux, ils leur disent, ils sont sévères avec eux, là. C'est le peuple d'Israël. Puis quand on lit la description du péché, tu te dis, c'est vraiment le peuple d'Israël qui fait ça? Oui, ils ne sont pas différents du monde qui les entoure. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Celui qui ne voudrait pas faire le mal. C'est ça dans notre société. Là. Il y a des choses avec lesquelles des fois on est confronté et non, je ne le ferai pas. Mais parce que tu dis non, je ne le ferai pas, tu n'as aucun recours dans cette société. En fait, Romains 1 nous dit que dans les derniers temps, là, ce qui est bien va devenir mal, ce qui est mal devient bien. Hein? Fait que la droiture, celui qui recherche ou qui s'éloigne du mal, qui veut marcher droitement, ben, il se retrouve dépouillé parce qu'il n'y a pas de recours. Son seul recours, s'il n'a pas Jésus, il n'y a pas de recours. S'il a Jésus, c'est lui son recours. Il n'y en a pas d'autre. Romains 3, 10 nous dit que il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et la cause de tout ça, c'est qu'ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Qu'est-ce qui devrait être devant leurs yeux? La parole de Dieu. Ici, Jésus, il parle à qui? Au chef de l'Église, au chef d'Israël, ouais, aux publicains, pas aux publicains, excuse-moi, aux pharisiens, aux Sanhédrin, à ceux qui dirigent les sacrificateurs. Okay? Eux qui devraient propager la parole de Dieu, enseigner, donner l'exemple, c'est pas ça qu'ils font, ils font autre chose. Mais quand on lit dans ce qu'il parle avec le peuple d'Israël du temps d'Ésaïe, qu'est-ce qu'il dit? Vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Ce que je trouvais intéressant, c'est que la main fait quelque chose, mais la main se dirige vers quelque chose, peut prendre quelque chose, mais c'est vraiment les doigts hein, qui sont agiles? C'est vraiment les doigts qui raffinent la chose? Oui, non? Fait que c'est vraiment volontaire, là. C'est pas juste un accident, je ne l'ai pas accroché par accident. Quand mes doigts manipulent le mal, c'est mes doigts, là, c'est ma pleine volonté. C'est ça qu'il est en train de dire. Vos lèvres, ça c'est la bouche, mais votre langue, hein, Jacques, je pense que c'est chapitre 4, je ne suis pas sûr, il dit que la langue, c'est le plus petit muscle du corps, mais le plus dangereux, c'est lui qui tue. Hein? Fait que mes lèvres profèrent le mensonge, mais la langue fait entendre l'iniquité. Ça vient du cœur. Le bout des doigts, la langue, c'est vraiment qui tu es, là. C'est ce qui vient de toi. Là. Nul ne se plaint avec justice. C'est pas qu'on n'a pas le droit de se plaindre, mais se plaindre à l'Éternel avec justice, c'est pas comme se plaindre en réclamant égoïstement ou en convoitant quelque chose. C'est deux choses différentes. Nul ne plaide avec droiture. De plaider sa cause, c'est correct, mais de mentir pour obtenir, c'est pas la même chose. Est-ce que vous me suivez? Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Bon, tes propres justifications, des choses que tu as entendues. Tu sais, aujourd'hui, c'est « Hey, fais-toi du bien, c'est toi qui décides, prends pas d'ordre de personne, personne ne peut te dire quoi faire, c'est ta vérité, laisse-toi pas influencer. » Hey, boy, quand quelqu'un arrive avec la vérité, « Ah, ça, c'est ta vérité, mais c'est pas la mienne. » Non, mais c'est ça. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic. Ils les couvrent. C'est-à-dire que tu es assis dessus, là, tu l'entretiens, tu le réfléchis, tu le médites. Tu espères que ça va éclore. Et ils tissent des toiles d'araignée. Pourquoi faire? Pour attraper. Celui qui mange leurs œufs meurt. Et si on en brise un, il en sort une vipère. Faites attention de qui vous vous approchez. Faites attention dans quelle conversation vous embarquez. Faites attention à ce que vous écoutez. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Pas de problème à tisser une toile. À quoi va servir? Ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. C'est sinon que de la honte. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. C'est d'Israël qu'on parle, là. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent. Ils ont hâte, j'aurais dû souligner. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Tu sais, quand ils couvaient l'œuf, là, c'est ça, là. Qu'est-ce que tu fais pendant que tu es assis là, là? Tu espères, tu réfléchis, tu médites, tu raffines. Ta langue et tes doigts vont servir dans la cause. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Même quand ils pensent faire le bien, les dommages collatéraux sont plus grands que le bien qu'ils espèrent. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. C'est pas ça qu'on vient de lire dans l'autre texte juste avant. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point. Ne connaît point la paix. Dans Malachie, c'est le dernier livre hein, de l'Ancien Testament. Je suis plus sûr si c'est Zacharie vient après Malachie ou en même temps ou à peu près là, mais c'est dans les mêmes mois là. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. C'est ça que Dieu leur dit. Et Malachie, c'est pas mal plus loin qu'Ésaïe, là, dans le temps. Fait que, ils ont beau avoir les textes, ils ont beau avoir entendu, ils ont beau avoir vu la déportation, l'effet des promesses de Dieu, ils ont beau avoir tout ça, ils s'en sortent pas. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Bon, vous les connaissez, vous les lisez, vous traînez les rouleaux, vous avez avec vous le temple, vous avez les sacrifices, vous faites toutes ces choses-là, là, mais c'est n'importe quoi. Vous le savez, mais vous ne le faites pas. Vous ne les avez pas observés. Je peux observer un rituel et ne rien y comprendre. Je peux faire suivre une recette de cuisine. Je l'ai suivi parfaitement. Puis ce qui en sort, là, c'est pas bon. Et pourtant, ma mère, quand elle le faisait, c'était extraordinaire. Mais moi, quand je le fais, je suis la recette, ça fonctionne pas. Pourquoi? Là, je dis moi, là, mais prenez ça, appliquez-le à n'importe quoi, là. N'importe quoi. Pourquoi moi, quand j'y touche, ça marche pas? Ben, il est où le cœur? Il est où Dieu dans l'affaire? C'est quoi la raison pour laquelle tu le fais? Revenez à moi, je reviendrai à vous. Il parle à ses enfants, là. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Non seulement vous me trompez, mais vous osez me demander en quoi vous me trompez. Ben, c'est pas compliqué. Dans vos dîmes et vos offrandes. Mais c'est pas compliqué. Avec votre bouche aussi. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert l'Éternel. Parce qu'après, ils se plaignent que eux, c'est des malédictions qu'ils reçoivent parce qu'ils ne font pas ce que Dieu dit avec le cœur que Dieu demande. Puis ils voient que les autres peuples autour, eux autres, ils font toutes sortes de n'importe quoi, puis ils sont bénis. Ben, ils sont pas punis. C'est pas qu'ils sont bénis, mais ils ne sont pas punis. Pourquoi les autres ne sont pas punis? Pourquoi nous, on souffrirait alors que les autres. Mais c'est parce qu'il faut comprendre, c'est que les autres ne sont pas les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Ils nous réprimandent, nous, parce qu'ils nous aiment. Les autres, là, ils courent à leur perte. Est-ce que ça va? Alors, comment est-ce qu'ils se sentent? C'est intéressant, parce qu'ils savent. David, là, il était meurtri. J'ai oublié le psaume 32, je voulais le mettre, mais je n'ai pas eu le temps ce matin. Psaume 32, David, là, qui va dire hein, son cœur, là, il est lourd, là, il est appesanti, il est en train d'étouffer. Pourquoi? Parce qu'il a péché contre l'Éternel, puis le poids de son péché est trop lourd pour lui. Mais si l'Éternel l'en délivre, il est pogné avec. C'est comme ça. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Ils sont malheureux. Parce qu'ils souffrent. Ils savent, là, dans le fond, là, qu'ils ont pas fait, puis qu'ils font pas, mais ils savent pas comment. Nous, on vit dans une société assez éloignée de la vérité. Okay? Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire, vous, individuellement, là, pour changer la société dans laquelle on vit? Sincèrement, pensez-vous qu'on va la changer? Depuis la création du monde, que c'est comme ça. ça s'en va de pire en pire. Pourquoi? Est-ce que Dieu a perdu le contrôle? Non. Mais nous, est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Mais une coupe. Prier. Hein? Me conformer, moi, à ce que Dieu dit. Puis témoigner de Dieu, de Christ, dans ma vie, à ceux que Dieu met sur mon chemin. Ça, c'est ma part. Est-ce que ça va changer la direction de l'humanité? Absolument zéro pas. C'est parce que ça prend le retour de Christ et il va revenir quand il s'est établi qu'il va revenir. Puis pour que Christ revienne, il y a des signes qui nous avertissent. Ça va être l'apostasie sur la terre. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Les enfants vont être rebelles. Le péché va dominer. Tout ça, il faut que ça l'arrive. Okay? Fait que c'est pas nous qui va l'arrêter, ça. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que notre lumière brille dans ce monde-là? C'est ça, c'est la question qu'on doit se poser. Eux, ils sont là, puis ils souffrent. Il y en a parmi le peuple d'Israël. À chaque fois que Dieu fait appel au peuple d'Israël, c'est pas tous les Juifs, là, c'est pas tous les enfants de Dieu du peuple d'Israël qui se tournent vers Dieu. C'est un certain nombre qui ont le cœur tourné vers Dieu. C'est eux qui vont agir. Puis Dieu va agir au travers de eux. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire avec nous dans les temps qui viennent? Je n'ai aucune idée. Mais je sais que si on se laisse guider par lui, il va faire quelque chose. Mais est-ce que le monde va changer? Non, ce n'est pas l'objectif. C'est de sauver ceux qui manquent encore à l'appel. C'est d'annoncer l'Évangile pour que ceux qui sont élus de Dieu depuis avant la fondation du monde entendent la parole de l'Évangile, la reçoivent et se tournent vers le Seigneur. Et moi, j'ai hâte que le dernier rentre. Parce que quand il va rentrer, on part. Mais ça fait 2000 ans là, qu'on a hâte, puis que tout le monde a hâte. Bon, alors, attendons-nous à attendre encore un peu. Mais désespérons pas d'annoncer l'Évangile. Bon, ici, c'est un bon exemple, ce chapitre-là, dans Ésaïe 59, parce que c'est l'Évangile qui est annoncé. La personne qui soupire après Dieu, hein, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, l'arrêt de délivrance est loin de nous, le salut ne nous atteint pas. Il soupire après, nous attendons la lumière. Mais voici les ténèbres. Okay. Et voici les ténèbres, on pourrait mettre « mais ». Ce qu'on attend, c'est la lumière, mais voici les ténèbres. La clarté, nous marchons dans l'obscurité. Mais c'est pourquoi? Parce que juste avant, on a vu qu'ils sont pécheurs, le peuple est pécheur, puis ça garde Dieu loin de eux parce que Dieu ne s'approche pas du péché. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Mais nous, on en a. Mais on ne s'en sert pas. Le texte dit ça. Okay? Nous chancelons à midi comme de nuit. Il fait plein soleil, mais ça ne marche pas plus. Au milieu de l'abondance, alors qu'ils sont dans l'abondance, nous ressemblons à des morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur joie. Le Seigneur n'est pas avec eux. Ce n'est pas qu'il n'est pas avec eux. Il ne peut pas s'approcher d'eux. Il essaie. Il leur envoie toutes sortes de messages. Nous grondons tous comme des ours. Ça vous arrive-tu de grogner, vous autres? Ben, je peux grogner parce que je n'aime pas les circonstances autour de moi. Mais si je grogne parce que je n'ai pas ce que je veux, parce que ça ne marche pas comme je veux, ça, ce n'est pas la bonne attitude. Nous gémissons comme des colombes parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Mais il n'est pas loin. Mais c'est comme ça qu'ils se sentent. Ils se sentent de même. Pourquoi ils se sentent de même? Parce que le péché les garde séparés de Dieu. Et l'effet dans le cœur de celui qui connaît Dieu, mais qui pour une raison ou pour une autre, est embarqué dans une mauvaise voie, bien, ça fait qu'il est malheureux. Et David, c'est le seul personnage que la Bible dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Okay? David a vécu ça. Okay? Il a soupiré souvent. Mais la fin de toutes les fois que David soupire, quand il soupire, il grogne, il se plaint avec justice parce qu'il se tourne vers Dieu. Puis il dit c'est quoi sa misère. Puis Dieu, il répond tout le temps. C'est ça que Dieu veut. Il veut répondre. Mais ici, il ne peut pas répondre à Israël en tant que peuple parce qu'Israël est totalement détourné de lui. Il faut faire attention parce que quand on lit Apocalypse, les lettres aux sept églises, il y a des églises qui sont détournées de Dieu. Et il les avertit, vous allez perdre votre chandelier? qu'il faisait envahir tout ça, puis ça allait mal à la Faites quelque force. chose. Fait C'est qu'il y pas avait un Dieu psaume qui qui s'est restait. éloigné d'eux, c'est eux qui se sont éloignés de Dieu. Nous, dans nos vies personnelles, okay, on ne perdra pas notre salut, mais on peut perdre notre joie de lui appartenir dans cette vie. Israël est toujours demeuré le peuple de Dieu, toujours, même aujourd'hui. L'Église lui appartient éternellement. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ lui appartiennent éternellement. Mais attention, Dieu veut que je m'attache à lui, que je soupire après lui, que je cherche sa face. Alors, si je ne le connais pas, je suis dans cette misère-là. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. On n'est pas stupide, là, on les voit. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. On pourrait quasiment dire là, que ça va dans l'ordre. C'est une escalade. Je pense que c'est dans Jacques au chapitre 1. Je ne suis pas sûr, c'est chapitre 1. En tout cas, il dit que ça commence, le péché commence dans nos pensées, hein, puis ça va arriver jusqu'à la mort. Non, non, mais ça va produire la mort. C'est que si je l'entretiens, le péché, il va prendre l'autorité, ça va m'amener à la mort. La tristesse de l'âme. Ésaïe, au chapitre 6, dit, quand il a sa vision, il dit, malheur à moi, je suis perdu, parce que là, il voit Dieu. Bon, quand tu... Je ne sais pas, je n'ai jamais vu, là, mais je suppose que si je voyais Dieu face à face, je verrais ce que j'ai de l'air. Hein? Ben, on le sait, maintenant, tu vas à un mariage, là, tu rentres dans une salle de noces, et tout le monde est bien habillé, tout ça, mais toi, tu ne sais pas, tu arrives de dehors, tu viens d'aller creuser les tranchées, je ne sais pas quoi, tu rentres, tu veux juste aller aux toilettes, tu rentres dans la salle de noces, est-ce que tu vois la différence entre toi et ceux qui sont dans la salle? OK, mais ça, c'est juste une petite image, là, de qu'est-ce que ça peut avoir l'air, toi, puis la mariée et le marié, si vous avez-tu l'air la même chose? Pas vraiment. Il dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il se voit impur lui-même, pourtant l'Éternel lui parle. Il est le messager de l'Éternel, mais il se voit, il se reconnaît, il sait qui il est. On ne peut pas se tromper, personne ici, là. Je suis saint parce qu'il est saint, sinon je ne serais pas saint. C'est ça. Lui, il est rentré dans un endroit où est-ce qu'il voit? Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il sait ce qu'il a de l'air maintenant, Isaïe. Il sait ce qu'Israël a de l'air. Il sait qu'il ne mérite pas d'être là. Et pourtant, l'Éternel l'a invité. Il n'est pas rentré là par lui-même, là. Il n'a pas forcé l'entrée. C'est Dieu qui lui parle. Il lui parle comme à un ami, comme il veut nous parler. Alors, l'Éternel voit les pécheurs et entend le cri des justes. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. J'ai mis l'emphase sur les versets du... Je connecte 15 avec 1, OK? L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il regarde, il voit, il ne peut juste pas s'approcher. C'est pourri. Il voit qu'il n'y a pas un homme, pas même un seul, hein, qu'on a vu dans Romains tantôt, pas même un seul. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Dans Ézéchiel, on est appelé à intercéder. S'il y en a un qui se tient dans la brèche, je vais écouter. Il n'y en a personne. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Donc l'Éternel voit les pécheurs. Il voit bien, là. Hein? 1 Jean 2,15 nous résume le péché. C'est très simple. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, qui ici n'a jamais tombé là-dedans? Levez pas la main, s'il vous plaît. Puis sentez-vous pas mal à l'aise de ne pas la lever, je ne la lèverai pas non plus. OK? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, je me compare, je veux. Hey, quand vous avez faim, à quoi vous pensez? Aller travailler dehors? Quand vous avez faim, est-ce que vous pensez aller vous coucher? Ça, c'est après que vous avez eu très faim longtemps, là, puis que vous êtes découragé et vous savez qu'il n'y a pas d'issue. Là, vous allez vous coucher. C'est comme l'alternative à ne pas y penser. Sinon, vous avez faim. Hein, la convoitise de la chair, là, j'ai pris la faim, mais on pourrait prendre bien d'autres exemples. La convoitise des yeux. Tu sais, les voisins gonflables. Tu n'as pas besoin d'aller... On pourrait-tu parler des enfants gonflables? Des frères et des sœurs gonflables, je parle de nous, là, hein, adultes, des frères et des sœurs gonflables, on veut se conformer, on ne veut pas paraître moindre que. Si on peut apparaître plus que, mais juste un petit peu, pas trop, ça va être évident, là, juste un petit peu plus, là, ça va me sécuriser. Convoitise des yeux, orgueil de la vie, j'en veux plus, je veux. Je veux bien paraître, je veux une job sécure, je veux garantir mon avenir. Qui peut garantir son avenir ici? Mais c'est pas ça. Et le monde passe et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je relis le même passage, mais je vais mettre l'emphase sur les deux autres versets. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il entend. Et son bras, c'est qui son bras? Jésus. Son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Pas qu'il a besoin d'aide. Jésus, c'est Dieu. Mais parce qu'il fait appel au désir de l'homme, à l'intention de l'homme, et que l'homme est incapable de le faire, c'est lui qui le fournit le moyen. C'est lui qui prend la conséquence de nos péchés sur lui-même, hein, puis qui nous donne le moyen. Mais le moyen, il faut revenir au jardin d'Éden et croire ce que Dieu dit. Adam n'a pas cru ce que Dieu lui a dit. Le jour où tu vas me désobéir, tu vas mourir. Ne me désobéis pas. Adam a désobéi. Pourquoi? Il n'a pas cru Dieu. Il a cru le mensonge. Jésus vient, c'est lui l'exemple parfait de l'obéissance, l'obéissance jusqu'à la mort. Lui, il a obéi. Maintenant, nous, notre obéissance n'est pas de mourir sur la croix. Notre obéissance, c'est de croire dans le bras que l'Éternel nous tend, la main qu'il nous tend. Si je ne crois pas Dieu, je ne crois pas Jésus qui l'a envoyé, je fais Dieu menteur. Il n'y a plus rien que je peux faire pour toi. C'est ce que Dieu dit. Tu viens à moi, mais vu que tu n'es pas capable, je te donne le moyen de venir à moi. Mais si tu ne me crois pas, tu me fais menteur comme Adam m'a fait menteur. La porte de sortie, c'est de croire Dieu et de faire ce qu'il dit. Sans le voir. Adam, quand il a mangé du fruit défendu, la mort, là, y avait-tu déjà vu ça? Elle n'était pas là, la mort. Elle n'était pas présente. Il ne l'a pas vu. Il n'a pas vu les conséquences de la mort. Il n'a pas cru Dieu dans les conséquences de ce qu'il faisait. Est-ce que nous, on va croire Dieu sans avoir vu la vie éternelle? C'est le même problème. Juste qu'il est viré de bord. Et si oui, ça va paraître dans ma vie. Parce que la vie éternelle, bien que je l'ai, elle n'est pas en apparence proche de moi tant que ça. Elle l'est dans les faits. Mais ça me fait encore mal quand je me sac un coup de marteau sur le pouce. Là. Hein? Je perds les ongles des fois, puis je perds de la peau, puis on meurt. Hein? Ceux qui nous entourent meurent. C'est la mort physique. Mais la vie éternelle, ce n'est pas la vie physique, c'est la vie spirituelle. Est-ce que j'y crois? C'est vraiment ça la question. Vous savez, c'est le plan du salut qu'on est en train d'annoncer là, dans le texte qu'on a devant nous. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Son bras lui vient en aide, met la main à la pâte. Mais il a mis la main à la pâte dans la création. Hein? Et sa justice lui sert d'appui. Dieu est justice. Et c'est à cause de la justice que Christ vient. Mais dans la justice, conséquence, la mort. Conséquence du péché, dans la justice, si quelqu'un a payé de sa vie, ben, l'autre n'a pas besoin de mourir. C'est ça, la justice de Dieu est accomplie dans son bras qui vient. Alors, il dit, il y a un rédempteur, verset 20, viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, ici, mettez, ceux de l'humanité, hein? Et ça commence par Israël. Romains 1 dit, ça commence par les Juifs, ensuite les païens. Le salut vient des Juifs. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel, il y a un rédempteur, un sauveur, quelqu'un qui rachète, qui paye la dette. Il va le faire parce que tu ne peux pas le faire. On ne peut pas le faire. Israël soupire, mais ils ne sont pas capables de le faire. Ils ont besoin d'un sauveur, puis ils l'attendent. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le Rédempteur, afin que quiconque, toi, moi, peu importe à qui tu l'annonces, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le Rédempteur vient faire. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, parce que le monde est déjà jugé, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus vient sauver. Israël n'est pas capable de s'en sortir tout seul parce que le péché est toujours présent. Les sacrifices qu'ils font pour pardonner des péchés, c'est un péché à la fois. Mais enlever le péché, là, la présence du péché dans la vie de quelqu'un, ça prend quelque chose de plus. C'est Jésus. Intéressant ce qui vient au verset 18 et 19, on n'enseigne pas tout le temps. Là. Celui qui croit en lui, Jésus, n'est point jugé. Il n'y a plus de jugement. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et ça, qu'on a-tu de la misère à dire ça aux gens? Parce que dès qu'on rouvre la bouche par rapport à Jésus, ils savent, eux autres. La preuve qu'ils savent, là, dès que tu dis une vérité, dès que tu déclares ça, c'est une vérité, comment ils réagissent? Ils se sentent jugés. Ben, ils ont raison. Pourquoi vous essayez de dire « Non, non, je ne te juge pas. » Ben non, je ne te juge pas. C'est vrai que je ne te juge pas. Moi, je ne te juge pas. Je fais juste te dire la vérité. Mais la vérité, elle, te juge. La preuve, c'est que tu te sens jugé. Maintenant, on peut sortir de ça. Comment on sort de ça? Parce qu'eux autres, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je recommence. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périssent point. Ils sont déjà jugés parce qu'ils ne croient pas. On vient au monde rebelle à Dieu et on a besoin d'entendre l'Évangile pour croire. Mais encore là, j'ai besoin de l'aide de Dieu parce qu'il prépare mon cœur à entendre l'Évangile. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, Jésus incarné, Jean chapitre 1, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En fait, ils se sentent jugés, puis après sont confrontés. Ben, attention là, nous aussi des fois, hein? C'est la beauté de l'amour de Dieu, là, c'est qu'il ne nous a pas tout montré qu'est-ce qu'on a de l'air tout d'un coup. Là. Hein? Parce que sinon, je ne sais pas ce que j'aurais fait. C'est une affaire à la fois. Tu sais, quelque chose qui ne va pas dans ta vie, ah oui, travaille là-dessus. Tu peux travailler là-dessus 10 ans. Et il est gentil, Seigneur, parce que pendant que tu travailles là-dessus, là, pendant 10 ans, là, ben, je refrase. Pendant qu'il travaille là-dessus sur toi, pendant 10 ans, il ne touche pas aux autres affaires nécessairement. Mais quand finalement la chose est réglée, que tu dis « Ah, merci Seigneur, je me sens libéré. » J'aurais une autre petite chose à te montrer. OK? Et on va y aller de l'avant. Mais ce que je viens de te montrer, oublie-les pas, là, c'est important. On bâtit quelque chose. Parce que sinon, je vais m'asseoir sur cette victoire-là, puis je vais l'oublier, puis je vais retomber dedans. Mais si je mets ma confiance en l'Éternel, ce qu'il m'a enseigné, il faut que je m'en rappelle. Essaye de dire ça aux enfants, on fait l'école maison, hein, le primaire. Ils disent, qu'est-ce que tu as appris, là? Il faut que tu t'en rappelles. Si tu t'en rappelles pas, là, tu vas avoir de quoi dans la prochaine série de problèmes? Bon, je vous verrai voir. Ils sont pas là. Ceux qui devraient répondre sont pas là. Mais il y avait des choses qu'ils ont oubliées parce que, ah, c'est plate. Oui, mais c'est vrai, hein, Jen, au secondaire. Les gens arrivent au secondaire 1. Puis des fois, le professeur peut se demander, est-ce qu'ils ont été à l'école avant aujourd'hui? Non. OK? Bien, c'est la même chose dans nos vies, là. Tu sais, si on passe d'un apprentissage à l'autre, mais qu'on oublie tout ce qu'on apprend au fur et à mesure, on n'a rien appris. Mais en fait, ce qui est le message que ça l'envoie, c'est que je ne suis pas vraiment intéressé. Fait que j'ai vraiment besoin de l'Éternel s'approcher de moi, puis me rester proche, puis que je ne l'oublie pas, puis que je persévère. Un rédempteur viendra. Comment on sait que c'est Jésus? C'est intéressant, dans Jean 4, Jésus va s'approcher de la Samaritaine, ou la Samaritaine va s'approcher de Jésus. Qui s'est approché le premier? Jésus s'est rendu au puits, s'est assis, puis a attendu. La Samaritaine est venue, puis à sa grande surprise, il lui a parlé. Elle, une pécheresse samaritaine, rejetée par les Juifs, il lui parle. C'est quoi ton problème? Tu n'es pas juif, toi? Pourquoi tu me parles? Non, mais c'est vrai? Je traduis en québécois, là. Pourquoi tu me parles? Et là, ils ont une conversation parce qu'ils l'aiment. C'est pour ça qu'ils parlent. Parce que nous, on passe par-dessus nos jugements pour s'approcher des gens qui nous intéressent moins, pour leur parler de Christ. Lui, il l'aime. Il passe par-dessus tous les jugements des Juifs. Puis je m'en vais au verset... Ben, je vais le lire. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne. » Parce qu'il a posé la question. Nous, les Samaritains, on monte sur la montagne, on fait des sacrifices sur la montagne. Vous, les Juifs, vous allez à Jérusalem, au temple. Qui a raison? « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Nous, s'identifier aux Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ça que Dieu veut. Il ne veut pas que tu fasses le rituel de la loi. Il veut que tu lui parles. Il veut que ce qu'il dit, tu le retiens, tu l'appliques, que ça devient ton nouveau mode de vie. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est pas si ça te tente. C'est ça qu'il demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ça veut dire les mains, les doigts, les lèvres, la langue. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » C'est lui le Rédempteur. C'est lui qui devait venir. C'est intéressant qu'il répond directement à un non-juif. Il lui déclare exactement qui il est, puis elle ne se sauve pas. Elle reçoit ce qu'il dit comme étant la vérité, parce qu'elle sait que c'est la vérité. Comment est-ce qu'elle sait que c'est la vérité? Parce que l'Esprit de Dieu là, la convainc que c'est la vérité. C'est tellement vrai pour elle là, qu'elle va retourner au village, puis elle va revenir avec tout le monde. En tout cas, pas mal de monde. Mais les Juifs, là, ils voulaient y faire dire ça, puis ils ne le disaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils ne voulaient pas l'entendre. Alors, dans le texte, si on revient à Isaïe 59, le Rédempteur en question, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Ça ressemble à quel passage que vous connaissez? Éphésiens 6, hein? Je pense que c'est 16, et 6, 16, ou quelque chose comme ça. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Jésus est venu sauver, mais il revient juger. Ça, c'est la deuxième partie. Il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Vous savez ce qu'on dit d'un mari qui est jaloux de sa femme qui a commis l'adultère? Il est dangereux. Il est dangereux. J'ai oublié exactement les mots, là. Mais quand ne provoque pas la colère d'un mari en commettant l'adultère avec sa femme. Ne fais pas ça. Parce que tu ne peux pas la contrôler. Alors que peut-être que, humainement parlant, là, ben, il n'y a pas grand monde qui dit rien aujourd'hui, là. Mais Dieu, là, c'est lui, l'époux. Et son épouse, c'est nous. Et oui, la colère est grande et il attend d'avoir sécurisé, d'avoir entré au bercail toutes les brebis avant d'exercer son jugement. Mais ça ne va pas être drôle. Il prend la vengeance pour vêtements et se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Un manteau, d'habitude, ça couvre pas mal le corps. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. Ça veut dire toutes les nations. Mais pas nous. Nous, on est ses enfants. On a été adoptés. On fait partie de lui. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est dans l'ordre que ça va se passer. Premièrement, sa colère. Deuxièmement, le règne de Christ sur la terre. Troisièmement, le jugement final, nouveau ciel, nouvelle terre. Je ne veux pas aller trop là-dedans, là, mais c'est là qu'on est. Voici mon alliance avec eux. Eux, c'est nous, c'est l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche à Jésus. Mais nous, on est les enfants, hein? On est adoptés. Ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Tous ceux qui reçoivent Christ de génération en génération. La parole de Dieu, à ce qu'on sache, est encore là, puis elle se transmet encore. Et tant que la parole de Dieu se transmet, hein, puis qu'il y a des oreilles pour entendre, il faut la transmettre. Alors, soyez pas gênés, parce que c'est ça que Dieu demande. Dès maintenant et à jamais. Alors, ce qu'on a vu, c'est que c'est le péché qui garde Dieu éloigné. C'est pas Dieu qui reste loin. Dieu est prêt, c'est sa création. Tous les humains sont sa création. Il désire que tous les humains viennent au salut, mais les humains ne le veulent pas. Alors, il intervient. Le pécheur qui connaît Dieu est malheureux loin de Dieu. Le pécheur repentant avoue sa faute. L'Éternel le voit. Il entend le cri de celui qui l'appelle et il pourvoit son salut. Mais il faut s'approcher de Dieu pour qu'il s'approche de nous. Pas l'inverse. Il est déjà là, là. Alors, confie-toi en Dieu et il agira. Amen.